face des sous. Si je veux, j'ai bout du texte. Faut que je fasse mon trou, je te le dis, ma négo. Faut que je pèse, ouais. Faut que je fasse des sous. Si je veux, j'ai bout du texte. Faut que je fasse mon trou, je te le dis, ma négo. Faut que je pèse, ouais. Faut que je fasse mes love et break, tu n'auras pas mon cœur. Faut que je fasse des love et break, tu n'auras pas. Parfum, moi c'est la hasse, nigga. C'est comme ça que ça se passe, nigga. C'est comme ça que ça.